CKRL. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, amateurs de rock progressif, et bienvenue à l'émission Terra Incognita, en compagnie ce soir de Bruno Côté, à la mise en onde, et Marc Chaunet, à l'animation et au choix musical. Alors, je suis bien content, on est bien content d'être de retour avec vous. On a eu deux semaines de pause là, avec la rénovation des studios de CKRL et plus des vacances, bien méritées dans mon cas. Je reviens avec vous donc environ 6 semaines. Là, j'ai préparé un choix musical là, en lien avec ce que j'ai écouté là, dans les 6 dernières semaines, les albums que j'ai découverts, les groupes que j'ai découverts aussi. Donc il y a beaucoup de nouveautés ce soir. On va débuter avec la formation UMAE, U-M-A-E. Ça, c'est paru, en fait, à la toute fin décembre 2018. Mais je viens juste d'en entendre parler, là, dans la dernière semaine. Et ça, c'est un projet collectif avec le musicien Anthony Klipleff, qui est de Brandon au Manitoba, qui était sur le Cruise to the Edge. J'ai rencontré des musiciens là-bas. Lui, il est multi-instrumentiste et il a rencontré le musicien Gordon Svensson de l'Islande, excusez la prononciation, et ils ont fait un trio avec le batteur de Toronto, le Sammy George Salib, et c'est leur premier album, donc Lost in the View. Et sur cette pièce-là, il y a un invité spécial là, au vocal, c'est John Wesley. Alors on aura ça également. J'ai lu pendant mes vacances là, le livre sur le rock progressif norvégien que Michel Bilodeau a écrit, Progressive Rock Norge, volume 1, et il y a plein de belles entrevues avec plein de groupes norvégiens, dont 35 Tapes. Moi je pensais que c'était un nouveau groupe là, des jeunes, mais là finalement c'est un groupe qui a été fondé dans les années 70, puis c'était leur premier album cette année en 2019. Et ben, c'est le fun de lire ça. Il y a Wobbler aussi, évidemment, qui parle de plein de choses. 35 Tapes, qui signifie, on apprend dans ça, que c'est un mélotron est fait de 35 petits rubans, qui sont des bobines. Alors, ils ont utilisé le mélotron original là, sur cet album-là, leur premier album, Lost and Found. On aura une pièce de ça. Et également, un nouveau groupe, Conmo. Ça, c'est de la Norvège. En tout cas, c'est pas un nouveau groupe dans le sens que c'est leur second disque, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Conmo. C'est un peu dans le style là, de Aguza, instrumental, là, folk norvégien. Là. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cet album-là de Conmo. L'album Vandring, et on aura la pièce c'est Aske. Alors, on y va tout de suite avec Umae, 35 Tapes et Conmo. Thank you.

monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou au 418-717-2222. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Durant les vacances, la relève artistique vous donne rendez-vous. Le collectif Le Cru danse sur la promenade Champlain dans le cadre de leur projet « Ce qui reste ». L'artiste en art visuel Rosalie Gamache expose ses portraits doubles à la bibliothèque Claire Martin. La compagnie Théâtre pour pas être tout seul présente leur pièce « Poulet tipotelé » dans un parc près de chez vous. Pour tout savoir, suivez la page Facebook de Première Ovation. Cet été, découvrez le talent des artistes de la relève. Voilà, ça c'est Thank You Scientist, hein, une nouveauté de cette formation américaine qui en est à son troisième album, Thank You Scientist, c'est l'album Terraformer. Et il y a plusieurs styles qui sont explorés avec ce groupe-là. On a des pièces plus jazz, beaucoup plus rock. Il y a beaucoup d'orchestration, là, franchement. Puis il y a des pièces instrumentales, 2-3 pièces instrumentales, puis sinon c'est chanté. Disons que j'ai un peu de difficulté avec le chanteur. En tout cas, je me suis pas encore habitué, si on veut. Alors, on a entendu la pièce Wrinkle juste avant la pause. Ben, c'était la formation norvégienne Kornmo. Donc, c'est le titre de leur album Vandring. C'est leur second album. Et leur premier était paru en 2017, mais c'est la première fois que j'entendais parler. Et comme je vous disais, ceux qui connaissent Aguza ou un peu le style de prog qui mélange le folk norvégien et le prog. Et juste avant, l'autre groupe norvégien, 35 Tapes, tiré de l'album Lost and Found, c'était la pièce Circles. Et on avait débuté avec le projet Umae, avec deux artistes canadiens et un islandais. Pas mal intéressant aussi cet album-là, franchement. Là, il y a beaucoup de belles guitares, puis il y a plein d'ambiance dans ça. J'ai beaucoup aimé. C'est un album assez concept, Puis il y a plein de styles aussi qui sont explorés dans ça. C'est vraiment un album intéressant à découvrir. Parlant de Thank You Scientist, on va poursuivre avec une seconde pièce de Thank You Scientist. Oh. Et ça donne hein, déjà... on voit ce qui nous attend. Mais je vais vous dire aussi qu'on va enchaîner ça avec Isildur's Bane et Peter Hamill. Vous imaginez que c'est un de mes artistes préférés. Et j'aime beaucoup cet album-là. In Amazonia. Alors, une collaboration vraiment spéciale, mais très belles ambiances, tout ça. Et on aura la pièce Aguirre. Également, on aura une autre nouveauté de l'Italie, un quintet Liquid Shades. C'est leur premier album. Leur deuxième album, je crois. Oui, il semble, en fait, eux aussi, j'en avais jamais entendu parler avant. Donc, Liquid Shades, tiré de l'album Locked Exit. On aura la pièce La Via del Grande Fiume. Mais tout d'abord, Thank You Scientist et Isildur's Bane et Peter Hamill.

Lentamente il grande fiume scava il suo percorso. Così lento e così forte che se ti volti indietro ti sembra che sia sempre stato così. E guardando avanti ti sembra che possa andare solamente in quella direzione. Aujourd'hui, renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que 25 $ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. La terrasse de la Korrigan a fait peau neuve. Venez découvrir la version améliorée de cet îlot de fraîcheur en plein cœur du quartier Saint-Roch. En journée, pour le 5 à 7 ou pour profiter des longues soirées estivales, la terrasse de la Korrigan est un incontournable. En famille ou entre amis, venez déguster une bonne bière artisanale et manger un de nos plats concoctés avec des produits frais et locaux, tout ça au soleil et entouré de verdure. La Korrigan, 380 rue Dorchester, accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph. Alors, de retour, c'était déjà... j'espère que vous avez apprécié cette dernière demi-heure de Terra Incognita. Alors, on avait terminé avec la formation italienne Liquid Shades. C'est leur second album, Locked Exit. Et on avait entendu la pièce La Via del Grande Fiume. Juste avant, Peter Amil et Isildur's Bane, ou Isildur's Bane et Peter Amil, in Amazonia. Et on avait débuté avec, Thank You, Scientist. On poursuit maintenant avec une formation italienne. C'est un nouveau projet. Ça s'appelle Baro. Prog Jets, J-E-T-S. C'est un album double, premier album, un album double. Le premier album, c'est Lucillo et Giada, et le second album, c'est Topic Vourlegno. On écoutera une pièce, en fait, la pièce Lucillo et Giada est en quatre scènes, et on écoutera deux pièces là, de la dernière scène, la scène 4. De cet album de Baroque Projects. Et ensuite, on aura Big Big Train, un extrait d'une des pièces du nouvel album Grand Tour, un extrait de la pièce Ariel, parce que c'est toutes des pièces assez de 15 minutes. Si on veut en écouter quelques-unes, des fois on choisit des extraits. Et on aura également une nouveauté de l'artiste français Aino. A-Y-N-O, Aino, donc le chanteur, avec Jean-Pierre Louveton de Nemo, qui fait tous les instruments. Donc, c'est entièrement de la musique de Jean-Pierre Louveton et chants et paroles de Aino. C'est l'album 111. Alors, tout de suite, en musique, Baro Projects, Big Big Train et Aino.

bataille infernale. Je ne suis pas sûr de la gagner. Je suis un homme déchiré. Je ne veux pas tomber dans ma chute. Jour après jour, poursuivre la lutte. Tu es ma force, mon écorce. Mon écorce. Dans la cage du lion, C'était la formation française Aino, avec Jean-Pierre Louveton, là, qui fait tous les instruments, et Aino, qui est au chant. Et comme je disais à Bruno, c'est un peu comme si on avait Mystery en français, ce style de musique-là. C'est tiré de c'est son premier album, 111. Alors, on avait la pièce Un homme déchiré, et ensuite Un homme déchiré et Tourne en rond. Reprise. Puisque Tournant en rond est une autre pièce de cet album, la pièce d'ouverture. Alors, ça c'était ce qui clôt l'album, en fait. Bon, juste avant, on avait la formation Big Big Train. Vous avez sûrement reconnu Big Big Train. C'est un extrait de la pièce Aerial. Et on avait eu pour débuter la formation Barrow Projects. Et ça, c'était tiré du CD1, parce que c'est un double CD. Un album concept, là, mais un concept à chacun des CD. Une histoire racontée. Lucillo et Giada. On avait la pièce I. En fait, c'est 24. Andiani, il libro della vita. Alors. On avait eu, ben voilà, c'est intéressant aussi, là, c'est varié, c'est pas toujours aussi prog que ce qu'on a entendu. Disons que cet extrait-là est particulièrement prog dans Barrow Project, mais il y a beaucoup de variété là dans ça. Alors on y va avec une courte pause et au retour on a encore toutes des nouveautés en fait. Des découvertes, hein? Un groupe du Brésil, on aura ensuite deux formations américaines. Alors on y va en pause et je vous parle de ça au retour. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. La Ninkasi présente Seb's Music Shop de Sébastien Plante, chanteur du groupe Les Respectables. Accompagné de son drum de style New Orleans et de ses guitares, il revisite ses différentes influences musicales. Seb's Music Shop en solo, le samedi 14 septembre, à la Ninkasi dès 21h. $20 en pré-vente, $25 à l'entrée. Billets disponibles à la Ninkasi ou via lepointdevente.com. Ninkasi.ca. 18 ans et plus. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Les sessions de La Fabrique présentent Cristobal Valence. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Alors, pour la dernière demi-heure, on va débuter avec la formation brésilienne Atomic Time. C'est leur premier album, l'album Out of the Loop. Donc, c'est un quintet. Et c'est très psychédélique là. Pour la dernière demi-heure là, on va faire une transition avec l'autoroute avec des nouveautés mais qui sonnent là, comme très très proche des 70s ou des 60s. Et alors ça sera également le cas pour la formation Ealdor Belu. Je sais pas comment ça se dit vraiment. C'est une formation américaine qui sont de l'Idaho. Ils sont de Boise, en Idaho. La formation Ealdor Belu. C'est leur second album, Spirit of the Lonely Places. On aura une pièce de cet album-là. Et également, la formation américaine qui sont de San Francisco, la baie de San Francisco. La formation Redshift, leur premier album. Et c'est un album éponyme. Ça aussi, là, c'était très rock psychédélique. Alors, vous allez voir, ça va faire une très belle transition avec l'autoroute. Redshift, là, ça vient de sortir en juillet, mi-juillet. Et on écoute ces nouveautés-là. Donc, Atomic Time, Ealdor Belu et Redshift. We'll be right back. We'll be right back. its antiquity. For men have dreamt of power, they lust endlessly. Upon the backs of common man, they built ever higher. Everlasting they wish to be, expanding their empire. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked me, and the heart that fled. And on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone level sand stretched far away. Yeah.